Eh bien, bonsoir à tous, bonsoir à toutes, RQCN, RQCN, j'espère que vous allez bien. Vous êtes en direct de l'émission 80 à l'heure sur RQC 95, et je crie très très fort et je chante parce que c'est canon. Voilà, ça fait longtemps que j'étais pas venu, je me retrouve en fait à la technique, parce que nous sommes en comité restreint aujourd'hui, et je pense que je suis en train de parler très très très fort dans le micro. Oui. Ça fait longtemps que je me suis pas retrouvé, je suis désolé, hein, dans la technique. Qu'est-ce que tu dis? Voilà, et oui, vous avez reconnu en fait sa voix, la voix de notre ami Flipkat. Eh bien oui, bonsoir. Bonsoir et meilleurs voeux aux auditeurs et auditrices. Absolument, c'est vrai. À qui je n'ai pas pu présenter mes voeux, puisque j'étais absent les deux premières émissions de l'année. C'est juste, non, une émission. Ah, je peux pas te dire, parce que moi j'ai manqué les trois dernières. Oui, j'étais absent celle du juste à Noël, et puis juste après Nouvel An. D'accord, donc voilà. Mais nous sommes là aujourd'hui. Oui, parce que. Alors pourquoi en fait je prends la parole parce que ben nous sommes vraiment comité restreint parce que nous venons d'apprendre en fait que Onissa ne serait pas là aujourd'hui. Bien. Sherlock, notre maître de la technique à tous et à toutes, Monsieur Cinéma est malade comme un chien. Il est en train de crever. Il est malade. Et il est malade à crever. Donc si tu nous écoutes, on t'embrasse très très fort. Et notre maître de séance Harry est sur la route et nous rejoint dans quelques instants, j'espère. Ouais. Sinon, vous allez avoir une émission formidable pour une fois. Et voilà. Et nous avons aussi avec nous Véro. Bonsoir tout le monde. Comment tu vas? Ça va très bien. Alors Véro, pour vous la présenter, parce que c'est une voix féminine que vous entendez de temps en temps, bah, c'est notre maman à tous. Parce que ça fait combien de temps que tu es là, Véro? 8 ans. Ah, 8 ans. Ah oui, oui, tu étais là avant moi. Hein. Ouais, moi, ça va faire 5 ans. Donc, 8 ans, et Véro s'occupe... j'aime pas qu'on dise s'occupe du bar, tu fais pas que ça, mais... Non, voilà. mais... S'occupe de nous servir et de tous nos invités, de la gestion administrative, comprenez par là, en fait, c'est qu'on doit du pognon, c'est elle qui nous rappelle. Donc, voilà. Vous allez bien? Oui, ça va très bien. Vous allez bien? Bah, écoutez, c'est le principal. Donc, une émission qui va bien se passer, c'est vrai. Alors, moi, je suis pris un peu de court parce que... Au niveau de la technique, j'ai un peu l'habitude de la nouvelle tablette, mais je vais essayer de faire au mieux. Alors, écoutez, on va faire comme on peut. Quoi de neuf depuis 2016 hein? Une page de tournée. Bah oui. Ouais. On ne peut qu'être optimiste. Allez. Oui. Ouais, il faut. Je pense qu'on a Ouais, c'est vrai que c'était une drôle d'année aussi. Hein. Je pense, ouais, pour tout le monde, sur pas mal de plans. Ouais. De manière générale. Ouais. Ouais. Moi, j'espère que les choses se remettront dans l'ordre. Oui, faut garder espoir. Voilà. Ouais. Mais nous sommes dans 80 heures, je vous rappelle. Oui. Moi, j'ai passé une très bonne année 2016. Et non, c'est vrai. Que... C'est vrai. Bah oui. Ouais, mais t'es amoureuse, toi. Ouais, je vous souhaite pareil. Voilà. T'es amoureuse. Hein. Tu me souhaites pareil, c'est vrai. Bien sûr. Bon, écoute, une femme qui dit j'ai passé une bonne année, c'est qu'elle est amoureuse. T'as mis petit Jésus dans la crèche. Ou elle a changé de maison, ou elle a acheté une nouvelle voiture. Non, la voiture pas encore. Donc voilà. Alors, au programme Flipkat, notre mèche rebelle pour 2017, qu'est-ce que tu nous as concocté? Eh ben, j'ai repris une de mes premières chroniques, en fait, parce que j'étais un peu pris de court, et je me suis dit, plutôt que d'arriver les mains vides, pourquoi pas. Je pense que ça devait être ma deuxième chronique, je vais vous parler des Pogs. Ah, les Pogs, absolument, ouais. Voilà, très très bon groupe. Oui. Ah, tu vois, pourquoi je connais les Pogs. Absolument. Alors, de toute façon, Harry va certainement arriver avec sa chronique aussi. Moi, je vais vous parler, j'avais envie de vous souhaiter mes voeux à ma manière. Vous savez que malheureusement, en 2016, il y a beaucoup de chanteurs et de chanteuses qui sont décédés. Les 14. Malheureusement. Et c'est vrai, si je vous en sors 10 aujourd'hui, on en a déjà parlé. Je vais vous parler, moi, personnellement, en fait, de chanteurs que vous ne connaissez pas. Je pense que vous ne connaissez pas. Toi, Flipkat, il y en a un ou deux que tu dois connaître. Ouais. Mais qui sont décédés, en fait, l'année dernière. Et qui étaient, en fait, un peu... Enfin, pas des égéries. Qui chantaient d'une part très, très bien. Qui ont vraiment une actualité. Je ne vais pas rentrer dans le détail. Mais par contre, avec des titres composés ou des choses où on se dit... Ah bon, il est décédé. Parce qu'on n'en a pas parlé, en fait. C'est évidemment pas Prince. C'est évidemment pas le chanteur George Michael. Mmh. Ils sont beaucoup moins connus. Quand vous entendez leur voix et leurs titres, vous vous dites... Ah, lui, il a fait ça. Il est mort. Et voilà. Et oui, effectivement. Donc, c'est pas du tout une rubrique nécrologique. Non, mais... Une rubrique, je dirais, triste. C'est pour but, dans pure année 80, de vous parler de ça. Et vous parler aussi, moi, les années 80. Je vous en parlerai parce qu'au réveillon en 1980, comment ça se passait un réveillon? Et ouais. Voilà. Et je vous en parlerai tout à l'heure. Hein. J'allais, si tu le permets, pour rebondir un petit peu sur ce que tu disais par rapport à justement l'année 2016. Sur Classic 21, il y avait une petite chronique et je ne sais plus le nom du gars qui faisait cette chronique disait qu'effectivement, en 2016, par rapport aux autres années, bon, de toute façon, comme il y en aura probablement et malheureusement en 2007, il y a eu pas mal d'artistes qui ont passé par ma gauche. Du monde, là. Mais effectivement, c'est édifiant. J'ai un musicos anglais qui avait établi une liste, tous styles confondus, de gens plus ou moins connus. C'est hallucinant. Ah oui, oui, non, mais ça fait très très mal. Hein. Ouais. Ça fait très très mal. Donc, d'ailleurs, aujourd'hui, excuse-moi, David Bowie, hein, qui est décédé il y a un an, jour pour jour aujourd'hui, aurait eu 70 ans. Ah oui, c'est vrai, ans. C'est aujourd'hui. Ah oui, ouais. Absolument. Bah, quand on préparait ma chronique, j'ai vu que c'était aujourd'hui. Ouais. Bah, de toute façon, quand on a, moi j'ai l'impression qu'il y a plein de gens qui disparaissent, ce qui est un peu dans la logique des choses. Malheureusement. Mais qu'on entend Michael Jackson, c'était plus vieux, mais Michael Jackson, oui. Prince, on a George Michael. On a vraiment des monuments qui sont disparus. Donc voilà. Alors, la force est de constater aussi que malheureusement, et ça je pense que c'est un triste constat, mais une fois ces gens décédés, les ventes de disques sont... J'entendais pour George Michael, les ventes avaient été boostées de 380 000%. Ouais, non, mais oui. C'est hallucinant. Je serais curieux de savoir que... Alors, donc, au niveau des achats de disques, de tout album confondu de ses débuts jusqu'à aujourd'hui. Ouais. Donc, il y a une ruée, certainement. Ah bah oui. Enfin, je sais pas. Moi, c'est comme... Je sais pas comment dire ça. Tu prends le groupe ABBA, qui est comme ça. C'est vrai que, allez, ils sont quatre. Tu vas prendre la blonde. La blonde, tu dis, ok, c'est le groupe ABBA, tu le connais comme moi, on en a chanté. Mais tu l'as peut-être pas entendu depuis 3 semaines, voire 2 mois, et moi non plus. Et aujourd'hui, tu apprends que la chanteuse blonde du groupe ABBA vient de décéder. Je pense que dans les 10 minutes, j'aurais tendance à mettre sur YouTube pour écouter un titre du groupe ABBA. Ouais. Et je pense qu'en fait, c'est comme ça que ça fonctionne. Et je crois pas que c'est l'artiste qui vient de décéder qui le souhaite. Non. Mais je pense que les majors se disent, on a 3 semaines, 1 mois pour taper tout ce qui a tapé avant que ça disparaisse, parce que les gens que je vais vous faire découvrir, si j'arrive à mettre la clé USB techniquement, sinon je vous ferai une autre chronique et on fera ça la semaine prochaine, y a beaucoup de gens qui sont disparus, et en fait quand tu les entends tu te dis c'est quand même de sacrées voix, c'est très très acoustique. Absolument. C'est lui qui a conseillé un tel, c'est lui qui a écrit la chanson un tel, tu dis non, si c'est vraiment lui qui l'a écrite, c'est lui qui l'a chanté en première intention en 1982 et en fait tu la retrouves en 96, un tube planétaire, et tu te dis ah bon, mais je connaissais même pas son nom. Toi peut-être t'as plus de culture que moi musicale, mais il y a des gens, je me dis je ne connaissais pas, donc je suis rentré dans cette chronique et en fait en allant dedans j'ai été explorer un peu des trucs, je me dis non, c'est lui qui chantait ça et c'est assez impressionnant, comme le chanteur de Earth, Wind and Fire qui est décédé en fait l'année dernière, on n'en a pas trop entendu parler. Oui, tout à fait. Je vous en parlerai, le chanteur du groupe j'ai plus les noms maintenant, je vous le ferai tout à l'heure. Voilà, en attendant... Et le pire si je peux rajouter encore quelque chose, vas-y, je t'en prie. C'est que là aussi c'est un autre constat. C'est que malheureusement ces artistes portent plus à leur maison de disque et à leurs ayants droit une fois mort que vivant. Ah oui, oui. Et non, ça, c'est très triste, mais malheureusement, c'est comme ça. Moi, ce qui est fou, c'est au bout de 5-6 ans, quand tu vois quand même des albums, je vais en parler une fois, ça va te faire rire, The King. Quand tu vois les albums... Exactement. Refait à nouveau, remasterisé, de manière remasterisée, etc. Ouais. Tu te dis, bon, la masterisation d'une remasterisation, il arrive un moment, c'est le même titre. Faut arrêter, oui. Et tu te dis qu'en fait, ça se vend toujours pour la fête des pères. Pour ceux qui... Et ils se font du blé sur. Absolument. Quand même, et les ayants droit se font plein de thunes. Et il est au box-office avec Michael Jackson depuis, malheureusement, qui est disparu il y a peu. Donc, Au niveau des ventes en tant qu'artiste décédé. C'est triste, mais c'est comme ça. C'est clair. Alors moi, je vous propose, on va se faire une petite pause musicale qui va faire venir certainement Harry assez rapidement. Le temps de trouver, moi, sur ma tablette, etc., des CD pure années 80, parce que je suis en train de charger, vous vous doutez bien, c'est notre ami Sherlock, grand technicien devant l'éternel, ça serait bien que tu sois là, mon garçon, parce que je n'arrive pas à charger les titres que je souhaite, mais je vais trouver certainement une solution. Allez, on vous laisse avec ça pendant une dizaine de minutes, et on revient tout de suite après. Qu'est-ce que tu nous mets ? Pas de ça entre nous. Who's gonna plug the Eh, c'est canon, j'ai réussi à trouver les CD. On vous reprend après ça. You make it dim into someone else's pocket, then make a slip. You steal a car. I really mean that much to you? Girl, you know it's true. Thank you. C'était Mini Valli. Je suppose que vous l'avez reconnu. Ça vous rappelle? Bah, je l'ai pas reconnu, elle était de dos, donc. C'était des mecs, hein, mon. Ah, c'était des mecs. Là, t'es... Ah ouais, ouais, pardon. Là, t'es mort. T'es ouais. Vous êtes toujours dans l'émission 80 à l'heure. J'espère que vous passez une bonne soirée. Alors, vous avez dû remarquer qu'au niveau technique, c'est pas terrible, terrible, terrible. Normal, parce que je me suis remis derrière la console et on a des petits soucis pour charger, en fait, des pistes, des MP3 et tout ça, mais on essaye de faire au mieux. Donc voilà, on attend aussi désespérément notre ami Harry. C'est vrai que si on est à deux, ben on va faire quand même une bonne émission. Voilà, on va vous mettre surtout de la bonne musique. Ouais. Je vais essayer de vous sélectionner. C'est l'occasion, c'est la nouvelle année. Et de faire la fête. Moi, mais tu disais ça, Véro, puisque tu es avec nous, c'est bien, il y a une voix féminine qui va faire du bien à la radio. Oui, canon, puisque... je disais. Ah oui, Véro. Tu nous laisses deux secondes, Flip 4, en sortant. Ouais, je prends une bière au bar. Ouais. En sortant, éteins les lumières, merci. Et donc, qu'est-ce que tu as fait de beau, sans rentrer dans les détails intimes, hein? Où? Quand? Non, pas... Sinon, ça va être très long. Où, au Nouvel An, qu'est-ce que tu as fait de beau? Au Nouvel An, on est sortis dans une salle. Sur Waterloo, à la boîte à musique. Ah, vous étiez à la boîte à musique, hein. Voilà. Absolument, qui est un bel endroit, Oui, c'était les corsaires de Waterloo qui organisaient le Nouvel An, et ah, ça ouais s'est très bien passé, DJ, raisonnable. Ah bah là, tu me souffles. Ah ouais. Bah, j'y serais pas allé puisque j'ai fait autre chose, mais, oui, mais franchement, c'était, tu me souffles. C'était très bien. D'accord. Les prix raisonnables, c'est ça. Super. Du coup, on a dansé jusqu'à 3h du matin. On a dansé tout au bout de la chanté nuit. Ah oui, plaisant demain, je vous le dis. Voilà. Et toi, Flip 4, est-ce que tu as... qui finit sa duvel? Non, non, je t'en prie. Comme ça pendant que tu parles, je finis ma chimée. À ta santé, cheers. Rien de spécial, en fait. On plaisante, on ne boit pas dans le studio. Non, c'est pas bien. Non, rien d'extraordinaire cette année, c'était convenu comme ça, puisque bon, j'avais un déménagement sur les bras. Oui. Toutefois, j'ai profité. Les deux réveillons, je les ai fait au soir avec mon gamin, c'était très bien. Voilà. Bah oui. Bah, ah oui, c'est vrai que t'es un petit bout. Mais oui, oui, oui. Bah oui, et il était content, ça s'est bien sûr passé. Très très bien, je suis allé le récupérer le 27 et reconduit le 3. On a profité un maximum, ouais. Ah oui, c'est bien, c'est important. Ouais, ouais, ouais. Ouais. Et vous, c'est vrai, chers auditeurs et auditrices, puisqu'on attaque 2017, vous avez certainement fait des choses pour cette nouvelle année. N'hésitez pas à nous communiquer ce que vous avez fait. Bon, c'est sûr que si vous me dites j'ai fait la nouvelle année avec la famille, on sait, mais est-ce que vous avez fait un truc de barré, je sais pas, est-ce que voilà, vous avez conçu un enfant, vous avez fait l'amour pour la première fois, vous avez bu 13 bouteilles de champagne, vous êtes fait arrêter par les flics, vous avez buté quelqu'un, je sais pas, un truc sympa. Un truc sympa. Qui sort de l'ordinaire, ouais. Qui sort de l'ordinaire. Découper la grand-mère pour la mettre dans le congélateur. Absolument. Vous avez fait une soirée spéciale avec Flip 4. Dans ces cas-là, dites rien, envoyez-nous les photos. une soirée BSM, mais il n'y avait pas beaucoup de lumière. Ah oui, ouais, c'est souvent ça. Bah, moi, je vais vous parler justement de... Je vais faire ma chronique, là. Et j'avais envie de vous souhaiter une bonne année, puisqu'on est vraiment en 2017. Et puis, chaque année... Comment je pourrais dire ça? Je trouve ça un peu édulcoré. Chaque année, on dit je vous souhaite mes meilleurs vœux. C'est vrai qu'on est tous sincères, mais quelque part, c'est un peu de la connerie. C'est de la phrase un peu bonne santé, bonne année, tout ça. Je me suis dit, mais en 1980, puisqu'on part bien des années 80 dans 80 à l'heure, on était comment? Alors, je vous ai fait une chronique un peu barrée, comme je la ressentais, autant je l'ai vécu avec mes parents et tout ça. Parce que je vous dis, moi, bonne année, vous imaginez comment le temps passe très vite. Je me souviens encore quand on disait, il y a 20 ans, donc en 1900 à peu près, enfin il y a 30 ans, en 1980, on disait, mais dans 20 ans, l'an 2000. Et oui, on parlait de l'an 2000. Voici la phrase certainement la plus répandue le soir du réveillon de décembre 1980. Car nous y croyons à l'an 2000, nous y croyons, comme dirait Jacques Lang quelques mois plus tard. Les années 80 étaient déjà annonciatrices de changements technologiques et scientifiques majeurs. Et nous, tel Poséidon sortant des flots armés de notre trident spécial 80 prêt à percer le derrière des baleines trop conventionnelles, Flip 4 va être content avec ça, nous nous préparions à faire la fête. Souvenez-vous, les victuailles et les autres ripailles étaient déjà chargées dans la glacière orange, à l'arrière de la R11 TS double carburateur qu'on surnommait la suceuse, vu ce qu'elle avalait comme essence quand vous mettiez le contact. Tu démarrais, t'entendais broum. Elle te mettait 4 litres. Ah bah oui. Mais on s'en foutait. En 80, on n'avait pas de pétrole, mais on avait des idées. Depuis, on n'a toujours pas de pétrole, mais on a eu Ségolène Royal, François Hollande. Donc, rien n'est donc perdu. Ma mère, venant de monter dans la suceuse masquée, avait allumé l'autoradio sur RTL pour écouter Max Meynier. Et oui, nous sommes en 1980. Les routiers sont sympas. Et son émission spéciale Nouvel An, absolument, de Les routiers sont sympas. Un petit clin d'œil à Max. Tu es libre, mon petit Max, parce que depuis 2006, il est parti trop tôt. Papa, lui, mon père, enfilait son costume couleur beige ou pied de poule, tout dépendait si on était dans une année pair ou impair. Dans tous les cas, rachurti, main, papa, pour mi, t'es toujours impair. Il enfilait le tout au-dessus de sa chemise bleu ciel et cravate bleu marine, car en 80, les cravates étaient bleu marine ou marron. Ouais. Il n'y avait pas d'autre. Tricoté. Absolument. Il lissait sa moustache, preuve indéniable de virilité, de production de testostérone dans les années 80. Concernant ce sujet précis, le jour où je lui ai montré la moustache du policier des Village People, bizarrement, mon paternel a rasé la sienne, allez savoir pourquoi. Nous, au-dessus de notre Levi's 501 et de nos pompes rouges Herbert Léonard ou Flip 4, toi tu devais avoir Dockside. J'ai pas encore des Docks, j'avais des Camarguez à l'époque. Ah, les Camarguez, oui, tout à fait, absolument. Donc on vérifiait surtout que les piles de notre Walkman étaient bonnes et qu'on avait surtout nos cassettes. Tout ça jeté prestement dans notre sac US sur lequel, comme un con, moi, j'avais écrit « Bonne année 1981 » au marqueur indélébile. Et vous savez quoi ? Bah, à l'époque, indélébile voulait vraiment dire « bah ça s'efface plus ». Donc chaque année, il était marqué « Bonne année 1981 » et je l'ai gardé 6 ans. J'avais évidemment le sigle « Peace and Love » et la langue pendue des Rolling Stones cousue sur le sac. Très vite, le repas était agrémenté de Dimanche Martin, à Antenne 2 ou de Champs-Élysées, à la télé. Laurence Biff Moka. Absolument. Et vous vous souvenez de cette époque? Mais c'est vrai, on était avec nos parents, il était 15h, là, on commençait à voir arriver l'entrée chaude ou je sais pas quoi, là. Ouais. Et il y avait Dimanche Martin. Avec Jacques Martin, on chantait la pêche au moule au moule pendant que grand-mère amenait les huîtres. Bon, moule ou huître, de toute façon, nous, on buvait du Sylvaner, si vous êtes fils d'ouvrier comme moi, parce que le Garvout et le Riesling, à l'époque, c'était plutôt pour les riches. Et nous n'étions pas riches, mais sauf de nous-mêmes, ce qui était déjà pas mal. On bouffait des petits Jésus roses, vous vous souvenez, en sucre. Ouais. Purée, vous vous souvenez le nombre de Jésus qu'on a pu bouffer? Et ça n'existe plus. Hein. Et ils les ont fait dans d'autres couleurs après. Il y en avait des jaunes, des verts. Ouais, ils ont modifié, mais le petit Jésus rose qu'on le bouffait, on n'en trouve plus. Hein. Et j'ai parlé avec des Belges, absolument. Ouais. Et vous, auditeurs, si vous nous écoutez, vous vous souvenez de ces petits Jésus roses qu'on mangeait? C'était super bon. Ouais. En revenant à Michel Drucker, on avait droit au sempiternel blague de... Alors, il y avait Bedos, Devos, Le Luron, animé toujours par un Drudru qui est toujours en forme. Hein, quand on le voit, on a l'impression qu'il ne vieillit pas. Alors, si vous voulez les revoir... Drucker, maintenant ? Pardon ? Drucker, il a quel âge, maintenant ? Oh, je ne sais pas. Il y a pas 70 balais. Ah, il doit taper dedans. Pas loin des 80, je crois. Et si vous voulez regarder ces émissions où il y a des... Allez, ce sont des documents d'époque, de la même époque que tu viens de citer, les Bedos, tout ça. Il suffit de regarder l'émission sur la 3 avec Aaron Child. Oui. On les revoit tous. Mais c'est vrai. Oui, on les voit. Tu as l'occasion de... Oui, je sais plus comment s'appelle cette émission, mais enfin, on voit les Sempiternel, Devos, Bedos, effectivement, comme tu le disais. C'était toujours les mêmes, hein. Ouais. Il y avait Claude François aussi à l'époque qui prenait. Alors, Claude François, dès que je vais dire un mot, c'est. Bon, c'est Claude François, mais à l'époque, il avait pris quand même. C'était le roi du marketing qui avait bien compris d'être partout. Et on avait, de toute façon, entre Dalida, Claude François, Carlos, Bedos, machin. Quand tu regardes bien, c'était un petit microcosme, en fait, où tu ne voyais que les gens apparaître là-dedans. Jodassin aussi. Jodassin aussi, absolument. Absolument. Avec ses petits pains au chocolat. Ouais. Et donc, et c'est vrai que d'ailleurs, quand je disais Michel Drucker qui était toujours en forme, on se demande en forme de quoi, parce que tellement il semble ne pas avoir changé. Il aurait d'ailleurs dû filer en fait sa recette à Grishka et Igor Bogdanov d'Antan X. Clair. Parce que sachez qu'à l'époque, il faut savoir qu'ils avaient lancé, donc c'était le 1er janvier 1980, ça c'est mes sources, c'est vrai, ils avaient lancé en fait un spécial Tan X formidable, puisqu'ils disaient dans 20 ans, ça sera l'an 2000. Parce que c'est un peu la chronique, c'est on pensait qu'à l'an 2000, vous vous souvenez, les navettes spatiales, on allait faire ci, etc. Et donc, c'est vrai que, très vite, le repas était agrémenté de Dimanche Martin, ça on l'a vu, etc. Et donc, pendant que vous avez certainement eu ça aussi, l'oncle ou le parrain, qui commençait à sortir le petit rétroprojecteur pour mettre ses diapositives de ses dernières vacances, où il nous montrait le dernier Noël dernier Nouvel An, etc. Ouais. Alors nous, on montait vite dans la chambre du cousin, parce que bizarrement, celle de la cousine était toujours fermée. Allez savoir pourquoi, on se demande. Hein. Et on s'étalait autour de sa platine avec tous ses vinyles. Ouais. C'est vrai, c'était toute une époque. Mon grand cousin me faisait découvrir les faces B. Et oui, l'incontournable seconde phase d'un 45 tours où on essayait, avec plus ou moins de succès, de caser un nanar. Et pourtant, une petite anecdote. Et ça, c'est vraiment vérifié. Commander titre, je vais vous dire, c'est vraiment phénoménal. Rock Around the Clock. Bilalé. De Bilalé. 56. I Feel Love de Donna Summer. Donna Summer. Ne me 67. Quitte pas de Jacques Brel. Ah, oui. Ne me quitte pas de Jacques Brel. Toute la musique que j'aime de Johnny, Johnny était en face B. C'est-à-dire que c'est autant de titres qui ont failli passer à côté de leur destin. Ils ont été jugés trop mauvais pour figurer en face A. La place d'honneur était réservée au tube, parfois écrit à la va-vite sur le coin de la table. Et ils ont été placés en face B pour combler un vide ou ne pas heurter le public par des paroles un peu osées. Ce que je viens de vous dire, ne me quitte pas, était parti pour être une face B de Jacques Brel. C'est phénoménal. Ouais, bon, c'est vrai qu'on avait fini les faces B, certaines étant réellement des nanars. Si vous vous souvenez, Lio, après Banana Split, elle a fait aussi Teenager. Ouais. Écoutez ça, c'est un grand moment. Ou ABBA, dont je parlais tout à l'heure, a fait Hawaii. Écoutez un jour Hawaii d'ABBA, tapez sur YouTube, chers auditeurs, vous allez comprendre. Tapez Hawaii du groupe ABBA, c'est un grand moment de détresse. Et après s'être échangé les pins pour mettre sur nos sacs US, nous descendions aider les parents à ranger les verres, histoire d'en finir les fonds et surtout de tenter de ramener une bouteille de l'armoire de cuisine en formica orange de la grand-mère. Parce que les cousins... Non, t'en prenais deux, toi. Oui, au passage. pour optimiser le voyage. Tu parlais des pins, c'était pas encore les pins, c'était les badges. Avec c'était les badges. Oui. Après, ça, on est entré en 84-85. Ouais. C'est vrai, en 80, c'est vrai que moi, j'ai un petit peu, mis du punch dans le truc, mais c'est vrai, à l'époque, c'était pas encore les pins. En 1980, c'était les badges beaucoup plus larges avec une aiguille derrière et tout ça. Et après, c'est passé aux pins, absolument. Ouais. Donc, et je sais pas si vous vous ramenez aussi, on aimait le pognon. On profitait d'essayer de voir si les enveloppes des étrennes étaient dans le coin. Vous savez, des petites enveloppes avec la grand-mère qui mettait, histoire de voir si on allait être considéré comme un Rockefeller cette année ou comme un David Douillet en mal de pièces jaunes et des pièces jaunes de 20 centimes de francs. Bah, je peux vous dire, putain, qu'en euros, ça fait pas grand-chose, mais on était contents. Rappelez-vous qu'on descendait et que nos parents nous disaient « Viens t'asseoir, manger le gâteau ». On crevait de chaud avec le poêle à charbon qui ronflait à dof chez le grand-père. Et en plus, souviens-toi, on avait les fameux pulls en cette drôle de matière là, à col roulé. Ah oui, et torsadé là aussi. Avec. C'était pas de la laine, c'était de l'acrylique. Ah, j'ai plus le nom, mais c'était une horreur. Et c'est vrai, car il faut vous rappeler qu'on mettait le poêle à charbon parce qu'en 1980, on avait encore ce qu'on appelait un hiver. Parce que ça, c'est vérifié aussi. Le 31 décembre 1980, il faisait moins 11 à Waterloo. Moins 11 à Waterloo. On voyait Sherlock avec sa cagoule collector Bordeaux se balader tel un phoque en mal de banquise flanqué d'un Harry en jambière fluo se pelant le bout du kiki, de tous les kikis évidemment, sur la banquise. Mais à cette époque, nous apercevions au moins les magasins illuminés des couleurs de Noël avec des joyeux Noël et des pères Noël partout. Depuis 4-5 ans, il n'y en a plus un seul. Allez savoir pourquoi, c'est certainement le réchauffement climatique qui vient de Libye, certainement en ce moment, qui nous empêche de voir nos pères Noël. Mais le dernier trimestre de l'année 80, c'est aussi tout un flot de nouvelles et d'actualités qui faisait les choux gras d'Antenne 2. D'abord des choses historiques, je vous parle très vite parce que là j'avais fait une chronique qui peut durer une heure. Solidarité, Lech Walesa. Lech Walesa ou alors Lech le bien quoi. Non mais c'est vrai qu'à l'époque c'était vraiment quelqu'un parce que c'était la guerre froide. Il y avait le mur de Berlin. Absolument. C'était toute une époque où nous on passait le nouvel an et puis il y avait l'Allemagne de l'Est, il y avait l'Allemagne de l'Ouest, etc. À la télé, on pouvait suivre que trois chaînes. Ouais. Soit la messe du grand et célèbre pape Jean-Paul II, soit Davina et Véronique dans soit les vœux du président de la République Valéry Giscard d'Estaing en français et française remplacé 6 mois après par Tonton. Je t'avais prévenu, moi j'aime pas les culottes de Madonna. Hein, au revoir. Absolument. Donc François Mitterrand qui était élu, c'est toute une époque. Alors après on peut aller très très loin. J'ai fait une chronique qui dure des heures. Moi je salue simplement 1980. C'est aussi une femme sous la coupole. Alors ne cherchez pas, je vous parle pas d'un titre de film, mais c'était la première fois qu'une femme, était reçue dans l'Académie française. C'était Marguerite Yourcenar. Et moi, je trouve ça bien que faut aussi savoir qu'on a perdu pas mal d'oiseaux en 1980, puisque c'était l'année où Alfred Hitchcock est décédé. Ah oui, c'est un jeu de mots. Mais la Moco Cadiz, c'était également, il me semble, années 80, si je dis pas de bêtises. C'est plus jeune, j'en suis sûr, parce que je l'ai fait en CM2. Ah d'accord. Je suis persuadé que c'était fin 80, tu vois. En sport, si je vous dis deux gars qui s'affrontaient tout le temps depuis plus de 300 ans, c'était Bjorn Borg et McEnroe, qui étaient toujours à la fin les frères ennemis, rivaux, etc. Donc, bref, je vais pas vous parler. parler de tout ça, cher RQCN, RQCN, puisque chaque année suffit à sa peine, à chaque année qui s'écoule, jamais une chronique ne s'écroule. Je terminerai l'année 1980 en appelant votre mémoire à vous remémorer sans tristesse ni mélancolie les bonnes années passées ensemble, les personnes disparues que nous aimons toujours, ces années formatrices et indomptées que nous devrons perpétuer dans ces réveillons de fin d'année qui nous rassemblent dans cette chaleur. Je vous souhaite mes meilleurs voeux au nom de toute l'équipe pour 2017. Voilà. Ça, c'est une chronique de merde, mais je suis bien content. Non. C'est pas vrai parce que ça. Je l'écris à l'arrache. Au fur et à mesure qu'on. Enfin, tout au moins, moi, je t'écoutais, je veux dire, il y a plein de choses qui m'est. C'est toute une époque. Si, c'est vrai. Je me souviens à l'époque. Et mon père, je le respecte énormément. C'est ce côté ringard. C'est qu'à notre époque, on se disait, on va ramener des bouteilles de vin blanc à la grand-mère parce qu'on était tous des fils d'ouvriers. Et ce jour-là, on claquait un petit peu plus de pognon. Mon père était tout seul. Et on mettait ces bouteilles de champagne et de vin blanc qui était du Sylvaner parce qu'on pouvait pas acheter du Riesling. Et on mettait ça dans des glacières orange avec tous les pains bleus et jaunes. Et on ramenait ça et on passait des, comment le dire sans grossièreté, des putains de soirées familiales qui se perdent de plus en plus. C'est vrai. Ah oui, on fait la teuf, on fait le machin, on se fait du Roca, Red Bull Coca, on se fait du machin, on va faire un plan cul à la fin. Je rigole. Hein. Non, mais c'est ça, malheureusement. Ça devient. On s'envoie, on se fait des selfies sur Facebook, on se fait pas mal de trucs. Je suis le premier aussi à en faire et à vivre là-dedans. Mais je me dis, il y a quand même des trucs où on passait de bons moments, et c'est pas une question d'âge, c'est une question de réalité. On a vraiment passé des super moments. Bien c'était sûr. Les gens où on s'éclatait, on avait vraiment de bons moments. Et c'était encore les réveillons en famille où on réveillonnait jusqu'à 17h du mat, je me souviens, de la soupe à l'oignon. Exactement, voilà. Mais c'est vrai, bien sûr. Et j'en ai gardé un souvenir, pourtant j'étais jeune. Et on déjeunait sur un tard, évidemment. T'as bien changé maintenant, tu bois plus de soupe à l'oignon. Ah, ma taille est plus vieux. Et tout à l'heure, tu parlais des frères Bogdanov, hein, Igor et Grishka. Et qu'est-ce qu'ils, pour terminer leur mission, oui. Qu'est-ce qu'ils disaient? D'ailleurs, ça s'est terminé comme ça. Ah, attends. Il y en a des deux qui avaient dit... Attends. Dans Temps X, qu'est-ce qu'ils disaient à la fin de l'émission? La dernière, tout au moins, c'est du CD. Oh, bravo, vas-y, sors là, je l'ai plus. Allez. Enfin, je me comprends. Oui, bien sûr. Prends ton menton, on s'en va. Oh, il est con. Bon, on va se quitter avec ça, les enfants. On va mettre un petit peu de musique. Donc, je vous propose de nous retrouver après ça. Excellent.

Step by step, ooh baby, gonna get to you, girl. Et oui, vous êtes toujours dans l'émission 80 à l'heure. J'espère que vous allez bien sur RQC 95 FM. Et vous êtes en compagnie de Flipkata. Et oui, bonsoir. En compagnie de Véro. Et oui. Et en compagnie de moi. Donc on n'est pas nombreux. On n'est pas nombreux. Et bah oui, l'émission avec voilà, notre cher Onissa qui n'est pas là aujourd'hui, Sherlock qui est malade comme un chien, et Harry, nous l'avons perdu. Donc j'ai pas de, j'ai pas de nouvelles, mon vélo. Ami Harry, je sais pas, il n'y a pas de lumière sur son vélo. Voilà. Donc, donc voilà. J'espère qu'il lui est rien arrivé. Bah non, j'espère aussi, c'est assez surprenant. Il m'avait dit qu'il serait peut-être en retard et qu'il serait à l'heure à l'émission. Bah écoute, c'est des choses qui arrivent. Donc vous avez remarqué, un programme un petit peu bousculé, on essaye de vous mettre, enfin j'essaye de vous mettre de la musique le maximum. Alors, faut savoir aussi que la chronique de Flipkat se fait avec une clé USB qu'il faut charger. Voilà. Et voilà, avec tous ces... Le problème, c'est que c'est un peu compliqué. On n'y arrive pas au niveau technique parce que nous sommes tous formés, mais notre ami, notre Sherlock à nous, est notre responsable technique. Et puis là, je vous passe de la musique. J'arrive à mettre les micros et parler un petit peu. Mais ça s'arrête là pour ce soir. Mais c'est pas grave, on va se faire une émission. On va la tenir jusqu'au bout. Il n'y a aucune raison. Hein, donc, comme on disait, on attaque le début de l'année. Avec vous, vous êtes fait des projets, des résolutions en fait. Moi, parce que je vous ai pas vu en fait depuis. Ouais, non, parce que je disais tout à l'heure. Moi, c'est ma première émission de l'année. On s'est pas, vu depuis longtemps. Non. Donc, vous êtes pris de bonnes résolutions. Pas du tout. Pas du tout. Ah non, je continue. Pourtant, toi, ça serait bien. Hein. Ouais, je suis d'accord. Tu sais que nous, on t'en avait préparé une paire. Ah ouais, je me doute. Alors, toujours si con, quoi. Et je continue sur la lancée, y a pas de problème. Non, parce que j'ai toujours. Oh, putain, non. Pas autant. Si. Un peu moins, quand même. Non, parce qu'un con est con, quoi. Et con, c'est un don, et faire le con, c'est un art. Oui, c'est sûr. Et je le revendique, je persiste et signe. Mais tu élèves ton art au rang de don. Voilà. C'est le don Quichotte. Donc, non, vraiment pas de résolution. Écoute. On en prend quand même. Les baratins qu'on sort aux gens et qu'on croit pas en disant si j'arrête ou je continue. Je fumerais peut-être que ça ferait partie d'une de mes principales résolutions. Je ne fume pas. Par contre, j'ai compensé avec la bibine. Non, je bois pas tant que ça, je suis pas sûr. Très franchement, non. Non. Peut-être. En résolution, ouais, parce qu'on me l'a souvent. Après, je vais peut-être m'occuper un peu plus de moi et moins des autres. Un petit peu plus. J'ai déjà. C'est ce qu'on appelle l'égoïsme sain. Les quoi ? L'égoïsme sain. Mais il ne faut pas s'oublier. Hein. Ouais. C'est clair. Et on me l'a encore claqué il n'y a pas longtemps que j'ai trop peut-être tendance à me préoccuper du bonheur des autres et pas assez du bien. Alors, ouais. Voilà, non, mais sinon, pas de résolution particulière. Je vais pas dire que je suis parfait, attention. Non, mais je pense que. De toute façon, le propre de l'altrui, c'est quand t'es vraiment en train de tout donner aux autres, il faut. Je suis convaincu que les autres, de toute façon, à un moment, ça saoule parce que les gens, de plus en plus, ouais, c'est pas vraiment. Nous, on considère que c'est égoïste. En fait, les gens se disent simplement, on a notre vie pour la vivre pour nous. Ça veut dire qu'on veut bien la partager avec d'autres et parfois faire des choses, mais on est là d'abord pour la vivre pour nous. Quand tu donnes tout en te disant, mais moi, ma vie, c'est la donner aux autres, en fait, je crois que c'est pas la bonne voie parce que moi, je l'ai suivi pendant des années et maintenant, je suis tout sauf un égoïste, mais ça fait quand même 3, 4, 5 ans où je vis aussi des choses pour moi, parce que je suis un vieux con de 50 ans qui est sur la plaine et qui vais dans 20 ans commencer à descendre très très vite, donc c'est pas dans 20 ans que je le ferai. Donc je pense que dans la vie, il faut mais donner... Mais je t'en veux là-dessus. Tu es égoïste un petit peu ça. Je sais même pas si c'est égoïste, il faut vivre pour soi. Moi, je dis toujours, le jour où t'es mort, t'es tout seul dans ta boîte, t'as tous ces gens-là qui pleurent autour de toi, non, tu le sais pas parce que tu seras plus là, et qu'après, selon les religions les convictions, tu penses qu'il y a quelque chose après ou pas, mais enfin, dans tous les cas, c'est maintenant qu'il faut le vivre. Pour quelle raison ? De toute façon, quelle importance si tu t'en souviens pas ? Vous vous souvenez des 10 secondes avant votre naissance ? Non. Moi, je me fous des 10 minutes après ma mort. Ouais. Mais ça, c'est comme quand la mort, c'est comme quand on est con. Hein. C'est pour les autres que c'est dur. C'est clair. C'est vrai. Hein. Tout à fait. Non, mais je vais dire, j'ai percuté parce que c'est pas la première. Je dirais que c'est la troisième fois. Mais là, il y a une amie qui peut-être à l'écoute ce soir qui se reconnaîtra. M'a claqué que j'ai en fait inconsciemment je me sentais donc pas volontairement mais inconsciemment comme responsable du bonheur des autres et peut-être que quelque part elle a pas tort. Ah c'est possible hein. Du plaisir des autres elle voulait peut-être dire non aussi mais ça je changerais pas là-dessus. Ah tiens tu vois donc pas de résolution d'accord et toi non. Véro moi c'est toujours la même résolution que je prends en début d'année en fait. Ouais. Ça motive déjà. Ça motive. Fait 40 ans que j'apprends. Voilà. À chaque fois, je dis bon, je vais faire attention, je vais essayer de manger moins, faire régime, et puis. Vivement le réveillon prochain, le foie gras, le champagne, et tout ça. Et voilà. D'accord. Bon, Ah bah dis donc. Est-ce que vous êtes bonne résolution, vous les internautes? Parce que c'est vrai qu'on vous entend pas. Je vous rappelle que vous pouvez toujours vous connecter sur la page 80 à l'heure. Alors, vous allez vous dire, et vous l'avez peut-être déjà fait, bah oui, mais on ne répond pas. Alors, ce qui est un peu compliqué, c'est que vous avez bien compris qu'aujourd'hui, au niveau technique, ça allait être un peu chaud patate hein, pour gérer tout ça. Et donc, on va essayer vraiment de faire au mieux. Hein. Donc moi, ce que je vais faire tout à l'heure, je vais faire un petit hommage à Sherlock. J'essaierai de vous parler, en fait, des films qui sortiront cette semaine. Donc, je vais les faire à l'arrache, à l'envers et tout ça. Et je vous parlerai aussi, et ça, j'y tiens, c'est du film Star Wars dont tout le monde a parlé récemment. Oui. Et en fait, j'ai été le voir parce que je suis un fan. Hein, vous le savez, inconditionnel. Ça fait partie du, c'est un pan et une petite partie de ma vie, une petite partie culturelle de ma vie affective. Et c'est vrai qu'en fait, je m'attendais à ce que Roche Cadron soit encore un exerce plus ou moins travaillé de tout ce qui avait été fait. Et c'est vraiment pas mal, je vous en parlerai tout à l'heure. On va crier, vous savez, c'est la nouvelle année, on va peut-être crier très très très fort. Je vais vous mettre un petit pan musical après, et on va essayer d'espérer qu'Harry va nous arriver. Peut-être qu'en priant, ça fonctionnera. Parce que, vous savez quoi ? Il est là. Bonsoir, salut Harry. On s'inquiétait pour toi. Comment ça va? Ça va? Bah ça va moins bien là forcément. Mais... Ah ouais, ça je suis désolé, mais je vais vous laisser tranquille hein, parce que je suis fatigué. Ah. C'est vrai, t'es très fatigué. Ouais, je suis fatigué. D'accord, bah écoute, pas de problème, et nous ça va bien. Bah ouais, nous, je ça vois ça. Bah, moi aussi je vais fatigué. Comme t'es là, je vais pouvoir rentrer chez moi. Bah, écoute, écoute, quand tu pars du fait, écoute bien, d'une émission que tu structures à 5 animateurs, sachant qu'on y sait, Sherlock n'est pas là, que toi tu n'arrives pas, qu'au moment où tu mets la tablette, tu n'as pas le code, et que quand tu veux charger les clés USB, tu ne les as toujours pas, et que tu dis, je vais prendre le cadenas. J'ai pas le code, tu te dis il est 8h02, tout va bien, donc moi je suis pas stressé pour un rond. Mais tu sais qu'il existe un outil qui s'appelle le portable, le GSM pour nos amis. Oui, belges. Mais notre ami. J'ai juste envoyé un petit message et j'aurais répondu. Ouais, mais notre ami Sherlock, en fait, qui est malade comme un chien, mais voilà, qui est pas là avec nous aujourd'hui. Donc bah écoute, je suis passé derrière la technique et puis on a mis un petit peu de bonne musique quand même. Hein. Bon, ça va alors. Donc d'ailleurs, on va vous laisser avec ça et puis on va reprendre Harry après, qui aura certainement plein de choses à nous dire et à nous expliquer. Non. Oui, oh, si. T'es fatigué, mais tu vas parler, mon garçon. Oui, je parlerai. Tu vas parler. Donc, allez, rien que pour toi, parce que tu me le demandais, je vais te passer Alphaville, parce qu'en fait, c'est ce que je viens de caler. et on se reprend après ça. Allez. We'll be right back. Et oui, vous êtes toujours dans l'émission 80 à l'heure, donc sur RQC 95 FM. J'espère que vous passez une bonne soirée malgré... Oui, vous avez dû remarquer en fait cette précision technique que vous avez aujourd'hui sur le choix des musiques, etc. Parce que vous avez remarqué que je vous envoie des musiques et je vous dis pas le titre. C'est normal parce que je les connais pas, j'arrive pas à les lire. Attends, je vais même te mettre un micro. Tu vois. Bah oui, ça serait bien. Là, en l'occurrence, c'était Al Corley. Al Corley, absolument, absolument. Avec Square Room. Bah écoute, ça me fait plaisir d'entendre ta voix parce qu'on se disait, on va vraiment faire une émission limited émission. Ouais. Voilà, comment tu vas? Bah ça va, ça va. Ouais, bah pour des raisons professionnelles. J'ai pas pu venir dans l'émission plus tôt et j'ai pas pu vous écouter non plus. Donc voilà, donc je ne sais pas si vous avez été bon. Alors si vous avez envie de nous envoyer un petit message sur Facebook, surtout n'hésitez pas. Oui, de toute façon, on s'est pas connecté pour éviter de lire. on le fera après tout à l'heure, évidemment. Alors j'imagine que vous avez parlé de plein de bonnes choses. Ah bah oui, on a parlé de toi pendant des heures. Ouais, je parle de bonnes choses. On est revenu en fait parce que c'est vrai que Flipkat était pas là pendant le nouvel an. Moi, j'étais pas là non plus. C'est vrai. Et puis c'était l'occasion de se faire la bise et plus si affinité. Mais comme il n'y a pas beaucoup de monde aujourd'hui. Bah en fait on a parlé un peu des années 80, comment on les avait vécues à cette époque, parce que j'ai fait aussi une chronique si tu veux un moment où c'est vrai que pour moi c'était toute une époque, les années 80. Bien sûr. Mon père qui prenait la glacière, on mettait les bouteilles de Sylvaner dans des trucs pour ramener chez la grand-mère en formica rouge, où on préparait le truc, tu vois, c'était toute une époque avec la R11 TS qui démarrait et t'entendais, on l'appelait la suceuse parce qu'elle faisait du 18 litres au 100, c'était toute une époque, quoi. Donc voilà. J'ai pas connu, hein. Désolé. Si, t'as connu les années 80. Ah oui, fin des années 80 plutôt. Fin des années 80. Ouais. Donc moi, je les ai connus, j'avais 13 ans, moi, à l'époque. Hein. J'avais 13 ans, quoi. Ah ouais, on avait 41. C'est... en 1880. Ouais. Ouais, non, Flipkat est en train de traiter. Non, il est en train de, il est en train de gérer ses bonnes résolutions. Non, j'étais en train de chercher en fait des événements parce que j'avais, je dis que j'ai lancé au micro les événements à venir dans le secteur, dans la région. Absolument. Pour le week-end, je ne le retrouve pas. Bon, c'est pas grave. Mais vous avez parlé de Stéphane au moins pour jeudi soir. Non, évidemment. Justement. Non. Voilà, il faut en parler puisque. Il nous en a parlé la semaine dernière, évidemment. Donc, il y a un apéro mix qui va avoir lieu donc jeudi soir à partir de 19h au Lâcher Prise. C'est l'apéro mix. Absolument. au Lâcher Prise, donc ambiance lounge, ambiance techno, mais techno lounge, un peu, on va dire. Lounge. Ouais, c'est ça. Lounge, ah oui, non, ça va bien. Techno, pas peur des mots. C'est ça. Techno gentil, voilà. Donc, et au platine, ce sera notre ami donc Didi Stéphache, qui y sera. Donc c'est rue Saint-André, donc à Lille, donc au Lâcher Prise. Ça commence à 19h jusqu'à minuit, donc c'est jeudi soir, donc c'est la soirée des étudiants, donc ça va être assez sympa. J'irai peut-être faire un petit saut, tiens, pour lui faire un petit coucou. Rue Saint-André au Vieux Lille, donc voilà, donc Stéphache qui propose donc son apéro mix. Bien, bien. C'est vrai que Stéphache nous rejoint quand? Le premier mardi de février. Donc ce sera le 6. Si ma mémoire ne me fait pas de faux bon, je crois que c'est le 6 février. Non, le 7. Elle fait faux bon. Merci Véro. Donc, à savoir aussi qu'il va y avoir un bel événement. Écoute, c'est très bien que tu sois là, puisque je pense que c'est quasiment blindé. Mais il faut savoir qu'au Crétinier, le 14, en fait, il y a la rétro-fanfare de Waterloo. Absolument. Voilà. M'a-t-on dit que Harry, l'animateur, serait là? Ah, oui, on va présenter, évidemment, parce que c'est un événement. C'est un bel événement. Voilà, donc c'est la nouvelle année de rétro-fanfare. Rétro-fanfare qu'on a reçu aussi plusieurs fois dans les studios. Et pour fêter sa nouvelle année à sa façon, la Rétro Fanfare a invité d'autres groupes à venir rejoindre donc les festivités. Donc il y aura Rétro Fanfare, bien évidemment. Il y aura aussi Bangster, nouvelle formation, dans laquelle il y a Jean-Loup, Lorraine et j'ai oublié le nom des autres personnes, mais qui font aussi partie du groupe. Donc c'est musique composition, musique variété française. Composition, mais aussi reprise à leur façon, à leur sauce, assez sympa. Je pense, ouais. Assez sympa. Il y a des revisites de titres assez sympas. Et puis il y aura Dom, le chanteur. Tiens, dis donc. Oh. Ouais. Ouais, alias Canon. Voilà, alias Canon qui sera là aussi, qui va venir pousser la chansonnette. Et donc ça se passe effectivement, tu as raison, ça se passe donc à l'Amicale du Crétinier, donc oui. Le 14 janvier, donc c'est samedi à partir de 19h. Alors si vous voulez réserver, je sais pas s'il reste encore des places, ça m'étonnerait. C'est quand même assez blindé, blindé. Dans ces cas-là, vous allez sur la page Facebook de Rétro Fanfare et vous demandez une réservation, vous envoyez un petit message pour dire voilà, est-ce qu'il est possible de réserver puisque c'est gratuit. Voilà, alors à savoir quand même que voilà, si vous êtes 60, ça va être un peu compliqué. Si vous êtes à 2, 3, 4 à nous écouter, dire bah, ça serait quand même sympa de venir, il y a quand même un bar debout, donc il y a quand même possibilité que vous veniez boire un verre. Donc ça commence, je viens d'avoir le responsable, donc à 19h30, on commence à lancer la rétro fanfare. Vers 21h, j'interviens pendant à peu près 1h, 1h10 et tout ça, à chanter. Ensuite, il y aura la formation Bankster. Et puis après, une surprise où tous ceux qui ont chanté rechanteront peut-être et certainement. We are voilà. The world. Ah oui, mais certainement The Champion. J'adore cette table, il est marqué partout AutoQ. Oui, non, c'est Q. Ah, c'est Q. Ah, pardon, AutoQ. Je vois AutoQ partout. Je me dis, eh ben, écoute, c'est une table. Non, AutoQ. AutoQ. Voilà. Eh ben écoute, on va faire une petite coupure musicale. Absolument, pas de problème. Je vois que tes petits doigts, ils frétillent. T'as envie de nous faire écouter. Quoique derrière, on avait The Wall quand même de. Absolument. Et tu m'avais demandé Pet Shop Boys tout à l'heure, absolument. Et je te le lance. Absolument. C'est ça, j'ai envoyé un SMS en disant tiens, j'aimerais bien un petit Pet Shop Boys. Quel titre, s'il te plaît? Ah bah, Sin 1987, et je te lance comment ça tout de suite. Et on va, Pet Shop Boys. Et on va reprendre avec ça après ça.

Ah, et bah, dites donc, et ce sera une émission spécialement musicale ce soir. Je sais pas pourquoi, ouais. Je le sens bien, mais. Ah non, mais je vois. Bah, on va pas avoir de plainte, je pense. Hein. Non, mais il fallait mettre un petit peu de musique. Bah, j'espère que ça vous plaît, parce que comme je vous ai dit, j'ai pris en main la technique. Ça s'entend tout de suite. Non, mais ça va, hein, il se débrouille plutôt pas mal. Ouais, ouais, bah j'appuie sur CD1. Ouais, ouais. En fait, il choisit même pas les titres. Si. Je fais gaffe à pas passer les mêmes. Ouais, c'est ça. Non. Mais c'est vrai que bah, ça prouve simplement que Sherlock a. Comment. Il fait sa chronique. Le mec, il anime comme il peut. Ouais. Parce que bah, parfois, on se dit, c'est vrai qu'il est peut-être moins présent, il est pertinent, mais parfois, on l'entend moins. Bah oui, mais parce que voilà, vous avez des vues maîtres qui arrêtent pas de bouger. Alors là, je vous dis, j'ai Hector, auxiliaire, téléforme, plateau 1, plateau 2, rouge, bleu, orange, noir. C'est pas plateau, c'est platine. Ouais, platoon. Platoon 2, Platoon 1. Non, mais c'est vrai que voilà, il a le mérite. Ah ouais. C'est vrai que j'avais fait un essai, je m'étais retrouvé tout seul à jongler avec les deux platines télé. Ah, tu m'étonnes. Et 9 fois sur 10, j'avais oublié de couper le micro. Ah ouais, je suis pas étonné. Ça aide pas. Je suis pas étonné, mais c'est vrai que c'est un métier. C'est d'ailleurs, on salue Sherlock au passage qui est souffrant. Voilà, donc on lui fait des grosses bises. Soigne-toi bien. Et lui, qu'est-ce qu'il a en fait? Une gastro? Pas une rhinite. J'ai pas su. Non. Il faudrait qu'il nous dise. Une érection, m'aurait-on dit, mais. Bah écoute, c'est sa première, il a fait. j'espère qu'il nous écoute. En fait, il est coincé dans le couloir, il sait plus faire demi-tour en fait. Ouais, c'est ça. Ouais. C'est ça. Voilà. Non, il a une jolie petite fille qui a eu un an et c'est sa première érection, il comprend pas. C'est ça. Il y a aussi notre petite chroniqueuse, Onisha aussi, qui est souffrante, voilà, décidément, c'est l'épidémie. Notre chroniqueuse, oui. Notre chroniqueuse qui est. Donc on la salue aussi au passage. Bah oui, gros bisous, Onisha. Et c'est vrai qu'on n'a pas eu l'occasion, j'ai pas eu l'occasion de vous souhaiter une bonne année puisque vous n'étiez pas là la semaine dernière. Bonne année à vous en tout cas. Et puis, vous avez de bonnes résolutions pour Bien sûr, on n'a parlé que de ça. Alors, Flip, c'est quoi tes résolutions à toi? Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. C'est une bonne résolution. Avoir des érections. Je vais continuer sur la lancée, ça, il n'y a pas de problème. Non, mais je m'étais dit que parce qu'on me l'a claqué dans la tronche tout récemment, c'est pas la première fois qu'on l'a dit, mais là on me l'a dit d'une façon qui fait que j'en ai plus conscience, peut-être m'occuper un peu plus de moi et moins des autres. Ah, c'est pas mal, ouais. C'est une belle résolution. Mais me préoccuper un peu moins du bonheur des autres. Ouais. Et pourquoi pas, ouais. C'est vrai que j'ai percuté depuis, donc pourquoi pas, oui. Ah, voilà. C'est déjà pas mal, c'est une bonne résolution. Canon ? À moi, le 3 janvier, ça fait un an que j'ai arrêté de fumer. Ouais. Ah, c'est bien. J'ai continué ça. Ouais. J'ai arrêté de boire. Ah de l'eau. J'ai arrêté de boire. De l'eau. J'ai perdu 14 kilos. Non, mais tu te fous de ma gueule ou quoi? J'ai perdu. Je sais pas. Il y en a quand même qui ont remarqué quand même. Merci. Ouais, j'ai perdu 14 kilos. Dit-il en buvant une barbare. Non, mais attends. Ah oui, non, mais je bois un verre. RQC et ma petite détente. Je bois plus un verre d'alcool. Je reprends le sport. Je suis amoureux. Ouais. Et tout va bien. Ah bah, c'est bien. Ça, voilà, c'est bon. Bonheur, ouais. C'est bon. Voilà, donc ma résolution, c'est de continuer comme ça au moins 2-3 jours. Ouais, c'est déjà pas mal. Pas Véro, pour l'amour. Hein. Véro, une résolution. Moi, c'est toujours les mêmes résolutions. En fait. Sex, drug, and rock and roll. Ouais. C'est quoi? À tous les débuts d'année, je dis bon, je vais maigrir, je vais faire régime. Et puis, non. Il n'y a que ça. Sinon, j'ai passé une très bonne année 2016. Donc, Parce que tu perdrais des seins. Moi, ça m'énerve. Très bonne année. Donc, tu vois, j'espère que 2017, ce sera pareil. Ah, bah ouais, moi aussi. J'espère. Et toi, tes résolutions? Ah bah, pas moi. Non. Eh bien, écoute. Parce que quelqu'un m'aurait dit que tu as pris plein de bonnes résolutions. Mais attends, c'est toi, je crois. Résolution, pas une goutte d'alcool depuis plus d'une semaine. Voilà. Bravo. Ah ouais, donc c'est une de mes résolutions déjà. Boire moins de café. Ça c'est clair, c'est une deuxième résolution. Et je rejoins un peu Flip 4 quand il dit prendre un peu plus soin de soi. Avant de prendre soin des autres, je pense que c'est pas une mauvaise résolution non plus. Mais tu t'es jamais occupé des autres? Ah, disons que je m'occupais plus des autres que de moi. Mais ah, tu vas devenir un gros con! Ça va, ça va me changer. Non, mais voilà, je pense que c'est pas une mauvaise résolution parce qu'effectivement, maintenant, l'altruisme, ça a du bon, mais ça a aussi du mauvais. Il y a des limites. Voilà, il y a des limites. Je confirme. Bah, je disais, je vais pas me répéter, mais avec Flipka tout à l'heure, les gens vraiment altruistes, en fait, on se dit parfois, ouais, mais si j'arrête de m'occuper des autres, je deviens égoïste. Je crois que c'est parce qu'on a besoin d'être aimé. Un peu les artistes, c'est ça aussi. On a besoin parfois d'être aimé. Et quelque part, même sans être adulé. Hein. Et je pense que il y a plein de gens comme ça qui sont pas égoïstes. Moi, je les vois, je me dis, ouais, mais ils font ça, ils ont l'impression d'être durs, d'être droits. Non, ils sont pas durs, ils font simplement leur vie parce qu'ils ont raison. Il faut d'abord vivre sa vie. Et en fait, t'aimes quelqu'un pour ce qu'il est. Et après tout, tu le prends comme il est. Et enfin, moi, j'en ai. J'ai de grandes discussions récemment avec une personne parce qu'il y a des grandes différences qui font qu'en fait tout va bien. Parce que une fois que t'as compris ça, c'est que justement tu te dis, bah ouais, mais la vie, elle est, quand je serai tout seul dans ma boîte, enterré et que vous serez là ou pas, bah de toute façon, t'auras vécu ta vie et puis tout le monde s'en fout. Ah non, on sera pas là. Non, bah vous. Enfin, en tout cas, le fais pas un mardi parce que. Ouais. Ou alors, faites la fête, les amis, faites la fête. Non, mais je pense que. Le côté altruisme, bon, bah déjà, on n'a pas à y penser pour le faire, c'est une nature. Mais je pense qu'aussi, c'est une manière, parfois, pour certaines personnes, je conçois que ça peut aller à l'excès, hein, sans s'en rendre compte, ça peut être aussi une manière de retranscrire, de donner. On a ce besoin de donner aux autres ce qu'on n'a pas eu nous-mêmes. Ah, c'est possible. Mais c'est possible. Point, parfois, ouais, j'ai jamais été sodomisé, moi. Non. On verra ça après. Bon. Harry, c'est fin. Cool. Bah, c'était bon. Fin. Il est... ah, c'était très fin. C'était très très fin. Ça se mange sans fin, n'est-ce pas, ouais. N'est-ce voilà. Pas. Ok, bon, allez. Il nous reste encore quelques minutes, hein, plus d'une demi-heure. Harry qui alors, se met pour des renvois. Le temps de vous rappeler effectivement la suite du programme, en tout cas pour ce mois-ci. On aura l'occasion, alors, c'était prévu le 24 janvier, mais ce sera le 31 janvier. On aura le plaisir donc de recevoir un aval. Alain Val qu'on avait eu l'occasion de recevoir plusieurs fois dans les studios et qui nous fera le plaisir donc de venir nous rejoindre donc le 31 janvier pour nous présenter donc son dernier album et son actualité qui ma foi est assez riche. Donc ce sera le 31 janvier. N'oublions pas qu'on aura aussi les candidates à l'élection de Miss Moucron, hein, c'est en préparation, qui viendront nous faire un oui. Petit coucou d'ici quelques semaines, donc avant le mois de mars bien évidemment, donc ce sera certainement courant du mois de février. Il y a d'autres artistes hein, qui sont là à la porte et qui viendront nous faire oui, un petit coucou. Oui, mais il y en a vraiment. Ouais. Ouais, mais ouais. Pas pour tout de suite, bizarrement. À partir de mars. Bah ouais, fin beaucoup. Février, mars. Là, il y a des gens qui vont venir et tout ça. Et voilà. Eh bah écoute, ça marche. D'accord. Ça marche, ça marche. On se fait une petite coupure musicale ? Oh, absolument. Putain, pourquoi pas ? Allez, Canon, ouais, qu'est-ce que tu nous as préparé ? Bah tu m'avais demandé tout à l'heure ouais. Brosse-moi. When we are c'est quoi, c'est when we are be famous. Non, I'll be famous. C'est ce que tu m'avais demandé, t'es un peu vache avec moi. Ouais. Donc on vous reprend après ça. RQC. Il est 22h. Watch out, here I come. Vous écoutez RQC 80. We'll be right back. Dead or Alive. Ouais. Eh ouais, You Spin Me Round, c'est ça, hein. Ouais, ouais. Donc ça, alors, ouais, franchement, je sais pas si vous avez déjà eu l'occasion de voir la tête du chanteur, enfin qui est devenue chanteuse d'ailleurs maintenant. J'allais te dire truc parce que c'est la chronique que j'ai préparée et que je ne peux pas passer et que je ferai la semaine prochaine. Est-ce que tu sais qui est mort? Il est décédé. Non, je sais alors, pas qui. Sache-le. Bah, alors, la semaine prochaine, je vous ferai une chronique. Donc, voilà, je l'annonce en même temps. C'est en fait, on a tous les chanteurs qui sont décédés dont on a parlé, les plus connus. Et en fait, il y a plein de chanteurs et de chanteuses qui sont décédés l'année dernière, donc en 2016. Et en fait, j'ai fait une chronique, je vous la livrerai la semaine prochaine. Elle est assez complète, c'est vraiment une chronique de 15 minutes sur des chanteurs et chanteuses qui ont disparu. Et c'est assez impressionnant parce que quand je te dis, bah, lui, il a chanté ça, même toi qui as une culture énorme, hein, franchement, tu... Non. Et si, et lui, en fait, est décédé. Qui ? Bah celui dont tu viens Dead or Alive, Dead or Alive, le chanteur que tu entends chanter est décédé, celui qui est travesti, etc. Ah, je pense pas qu'il est travesti, il est carrément il est trans. Donc voilà, sauf erreur, c'est le 16 avril. Et il y a une trentaine de personnes que je vais vous livrer assez rapidement avec des bandes audio, dont là-dedans, il y en a une dizaine, vous allez dire, non, c'est lui qui avait écrit ça. Et peut-être que d'ici la semaine prochaine, il y aura Johnny Hallyday. Il y aura Johnny Hallyday, peut-être, avec un peu de chance. Hein. Bah, je vais te parler d'un chanteur mexicain, tout le monde dit, ah bon, c'est quoi, qui prend la voix de Freddie Mercury et quand il est en colère, il prend la voix de Pavarotti. Il est plus connu de Johnny Hallyday au Mexique, vous n'en avez jamais entendu parler, je vous livre un titre. Rythmé, hein. Tu te dis putain, mais la voix, c'est un phénomène. Il remplit le dernier concert qu'il a fait 15 jours avant sa mort. Il a fait sa mère avant sa mère. Ouais. 47 000 personnes. 47 000 personnes. Ouais, mais il était connu au Mexique, pas. Au Mexique, 47 000 personnes, tu remplis pas tous les jours. Ouais, non, mais je sais bien. À 7 février à 19h, tu dis tiens, je vais faire un concert, 47 000 personnes. Ouais. Et je vous dis son nom, je l'ai même plus. Je l'en avais jamais entendu parler. Donc je suis vraiment rentré dans la chronique. J'ai vraiment été chercher des chanteurs improbables. Et j'écoute, je me dis ah ouais, bon, elle chantait ça dans les années 70, mais en 80, elle a chanté ça. Ah, c'est elle? C'est impressionnant. Et du coup, je t'explique, parce que les auditeurs peuvent le savoir. On a un problème technique, donc c'est moi qui en ai un gros. J'arrive pas à gérer la plateforme. Et donc, tous les extraits audio de Flipkat, sa chronique, etc. C'est un peu compliqué. Ouais. Et donc, la semaine prochaine, on vous fera un truc. On sera tout nu d'ailleurs, on fera des photos. Et Je ferai les photos, moi. Je les ferai. Oh, je peux marquer un t-shirt tout nu. Voilà. Quoi de neuf, toi, à part ça? Écoute, moi, j'ai vécu un week-end assez sympa, puisqu'on a eu l'occasion donc d'animer la fameuse tradition du lundi perdu. Si vous connaissez le lundi perdu. Ah oui, c'est vrai que t'as fait ça. Je connais le pain perdu, mais pas le lundi perdu. Alors, le lundi perdu, c'est une tradition belge. C'est une sorte de deuxième nouvel an. Voilà, et la tradition veut que le deuxième lundi de l'année, on fasse la fête. Ah, c'est intéressant. Et on mange du lapin. Oui. Voilà, on mange du lapin, le fameux lapin perdu. J'ai appris ça il y a 15 jours. Voilà, donc on mange du lapin. Et donc on a eu l'occasion, Nono, un ancien chroniqueur, et moi-même, donc d'animer la soirée samedi dernier. Ça s'est passé donc à Étampuy, et c'est très très bonne ambiance. C'était blindé. Il y avait du monde, il y avait 190 personnes, 190 personnes qui étaient là au rendez-vous. Et donc avec la tradition du repas, assez impressionnante. Alors il y a une entrée, c'est une saucisse, c'est de pommes de terre et je crois que c'est de la compote. Et ensuite vous avez le lapin aux pruneaux, aux prunes. Aux prunes. Pas aux prunes, attention. Aux prunes. Lapin aux prunes avec une salade qui est composée de 32 ingrédients. Alors, me demandez pas lesquels, donc c'est une salade bien fournie. C'est comme la fricadelle, il faut la manger, il y a un peu de tout dedans. Donc, ça a été organisé par l'Oranger, l'association L'Oranger, donc à Étampuy. C'était samedi et on a passé un très très très bon moment. Et d'ailleurs, on salue au passage Adeline qui organise tout ça avec toute l'équipe de L'Oranger. Et puis, ça se fait tous les ans. Là c'était blindé et tous les ans il y a de plus en plus de monde, donc l'année prochaine je pense qu'on aura encore plus de monde, quoi qu'on va pas pouvoir pousser les murs, en tout cas ça marche bien, ça fonctionne très très bien. Changer de salle, faut changer de salle. Non, on est bien dans cette salle, on est bien, une petite salle bien bien cossue, bien sympathique, à la salle du bon accueil. Donc Nono fait toujours de la sono. Ouais, bah ouais, écoute, de temps en temps. D'accord, bah Nono a rappelé, donc chroniqueur et animateur, oui, technicien derrière la technique. Non, il était pas technicien. Non, mais il était derrière nous, il était derrière la technique. Non, c'était Chouchou. La technique. Bah, j'ai connu Nono aussi. Bah, il était pas la technique, hein. Non, c'était Chouchou. D'accord. Bah, si. Mais avant Chouchou ? Bah, avant Chouchou, c'était Flex. Ah oui, c'est vrai, ouais, t'as raison. Ah si, Nono a pas trop touché à la technique. J'y ai eu mal. Non, il s'occupait que des vinyles, voilà, donc on le salue aussi au passage, Nono. Et voilà, quoi. Sur le 5 octobre 2017, ça fera 6 ans que je fais partie d'RQC. Non. Si. Ah bon ? Ah oui, bien sûr. Bah, 2011. 5 octobre 2011. C'est la première fois que je suis venu ici. Ouais. J'étais derrière, j'ai pas parlé au micro. 30 secondes. Et t'as après... pas pris une ride. Hein. Et après. Mais au moins une cinquantaine. Si. C'est vrai comme quoi le temps passe très vite. Ça passe vite. Ça passe vite. Et oui. Ça fait 11 ans que l'émission existe quand même, rien que ça. On entre dans la 12e année. C'est pour ça, je me disais toujours quand j'entendais, c'était un peu séculaire, quoi. Quand tu parlais de l'émission, je me dis ça fait 75 ans qu'elle existe et moi je suis là depuis 5 ans. Mais en fait, je suis quasiment à la moitié. Hein. Ça commence à faire. Bien sûr que ça fait. Mais voilà. Sincèrement, des fois, moi je suis un peu, je vais pas dire nostalgique, mais je regarde dans le rétro, comme dirait Marjorie, de temps en temps je regarde quand même dans le rétro, pour rétro ciné, pour voir un peu ce qui s'est passé dans l'émission, et c'est vrai qu'on a, il y a quand même un certain nombre d'artistes, et je pense qu'il y en a facilement plus d'une cinquantaine, voire peut-être 60 qui sont passés dans les studios, une fois, deux fois, trois fois, enfin bref, il y a eu du monde qui est passé par les studios. Une soixantaine ? Oh bah facilement, oui. Oui. Il faudrait que je fasse la liste. Je retombe sur des groupes où je me dis, mais oui, c'est vrai, tiens, dis donc, mais il y avait un tel, il y avait un tel. Il y en a déjà 14 l'année dernière. Oui, parce que j'ai pas eu le temps de préparer la chronique. Bah, artistes, enfin, sans être péjoratif, ouais, qu'on considère, je dis pas, par exemple, des troupes de théâtre que nous avons reçues, la personne, c'est pas un kidam inconnu, mais je veux dire, on les connaît un peu moins, mais des gens quand même plutôt chanteurs formatés ou des groupes, alors qu'ils existent peut-être plus ou qui ont été. Mais non, il y en a 14 ou 15 selon rien que l'année dernière. Voilà, et il y a un artiste qui se manifeste par téléphone. Ouais. Donc malheureusement, vu ma technique aujourd'hui, si en plus il faut que je gère le téléphone, ça va être compliqué. Il faut nous appeler pendant la pause musicale, c'est plus simple. Voilà, n'hésitez pas à nous rappeler. J'ouvre une parenthèse, je sais pas si je peux l'ouvrir, mais si on peut parler d'une émission de télé là. Bien sûr, vas-y. On en a parlé ou pas ? Fais-toi plaisir. Non. On n'a pas parlé d'émission. Ah, parce que est-ce que vous connaissez l'émission N'oubliez pas les paroles ? Oui. Oui, vous connaissez cette émission. Oui, c'est sur la 2. Je déteste cette émission. Avec Nagui. Ouais, je déteste cette émission parce que. Non, mais je la déteste parce qu'il y a souvent, il y a des gens, ils poussent la chansonnette, ils chantent pas bien du tout, mais ils connaissent les paroles parce que parfois, le principe du jeu quand même avec Nagui, c'est effectivement connaître les paroles. Mais pas forcément savoir chanter, donc n'oubliez pas les paroles. C'est une émission qui est tous les soirs, qui passe sur TF1, je pense. Sur France 2. France 2 avec Nagui. Et alors apparemment, Canon a été sélectionné pour participer à l'émission. Ouais, ça fait il y a la présélection, la sélection. Là, je vais voir Nagui en fait jeudi à demain. Ouais. Après-demain à 13h à Lille pour faire des enregistrements. D'accord. Ah, parce que ça se fait sur l'île, les enregistrements ? Oui. Le studio est sur l'île ? Oui. L'hôtel, je vais pas le dire. Ouais, mais d'accord. Voilà, parce que oui, non, c'est, ouais, je peux d'accord. pas. En fait, je suis con. Ouais. Je comprends pas là, parce que c'est il est terrible, je viens de signer il y a deux jours. Les enregistrements de quoi ? Les enregistrements. De l'émission ? Oui. Tu parles. On est dans un hôtel et après on part à côté, tout ça. Oui, vraiment. Et donc ils organisent un studio alors ? Il y a un studio qui est complètement monté avec celui que tu connais. Il y en a deux. Il y en a un à Montreuil, il y en a un en Seine-et-Marne, il y en a un à Angers et il y en a un à Lille. Ah bon ? Voilà, absolument, c'est pas les mêmes. Ouais, c'est bien. Voilà. Du coup, tu vas chanter. Ah bah oui, là je suis parti à 13h. Tu nous diras quand est-ce que tu passes à la télé. Bah ouais, c'est dans les 6 semaines, je vais apprendre dans les 6 mois quand est-ce que ça va passer. Voilà. Alors j'en connais une qui est passée, Adeline, qui est passée, mais je sais pas ce que ça a donné finalement. Je sais pas. Elle a pas été très loin, je pense. Non, bah c'est pas évident parce que moi, au départ, on... Alors, Pour vous expliquer, ben, si des gens nous écoutent sans trahir de secret, parce que c'est vrai qu'il faut savoir qu'on signe une clause de confidentialité de certaines choses. Ouais, donc on ne sait pas que c'est Nagui, hein, déjà. Voilà. Non, mais ça, y a une certaine façon dont ça se passe. Donc c'est vrai que vous avez un questionnaire à remplir. Après, vous êtes présélectionné, il faut envoyer une photo. Après, on vous appelle. Alors là, c'est vraiment, il est 14h30, vous êtes en train d'être sur un Facebook. Ça sonne et on dit « Bonjour, je suis le truc du casting, c'est super, machin, vous êtes présélectionné, mais seulement ça va se faire dans les 2 minutes. Là, maintenant, éloignez votre téléphone et chantez a cappella une chanson à froid. » Paf ! Comme ça. Oui. J'étais avec le chat sur les genoux, sur Facebook. Je suis sorti dans le jardin et j'ai chanté New York, New York, sans prétention. Il me dit, faut chanter 2 couplets, un truc au premier couplet, mais ça va très bien se passer. Tout va bien au niveau de la voix, c'est bon. Et après, on reçoit donc tout un questionnaire avec des anecdotes et avec des gens qu'on doit citer aussi qui peuvent référencer les anecdotes qu'on a expliquées. Et après, ils nous rappellent, et puis là, on a un responsable du casting qui est un petit peu plus précis, élocution, charisme, le ton, voilà. Et après, vous avez donc une présélection, il faut chanter devant un jury de 6 personnes. Ouais. On était 62, il faut chanter en fait a cappella, 2 titres, même en anglais là, espagnol ou italien, 2 titres qu'on connaît bien, et puis il faut être physiquement, il faut passer, il faut être festif, il faut chanter. Et là, en fait, on a dans les 3 semaines une réponse comme quoi on est sélectionné pour l'émission, tout ça. Donc voilà. Et ben on a hâte de voir ça. Tu l'as fait ça. Ouais. Ah oui, c'est fait, ouais. Donc jeudi 13h, j'y suis, j'y vais. D'accord, voilà. On passera à toi. Je ne penserai pas à vous, moi. Je vais me concentrer sur moi, parce que j'ai décidé d'être égoïste aussi. C'est une bonne nouvelle. Merci d'en parler. On va suivre ça. Je vous promets une chose. Si, alors, je ne sais pas comment ça se passe au niveau des droits, c'est compliqué. Ouais. Mais déjà, les portables sont confisqués. On ne peut pas faire de direct, on ne peut pas faire de selfie là-bas. Avec Nagui, j'aurai évidemment 2-3 photos, on pourra faire des trucs sympas. Mais je vais essayer de quand même trouver un moyen avec GoPro stabilisé. Je vais te raconter un truc et je te jure que c'est vrai, c'est une anecdote et elle est véridique. Je te parle de ça, je devais avoir une dizaine d'années, je pense, et je connaissais quelqu'un qui s'occupait des scènes ouvertes, enfin des choses comme ça. Et il y avait un concert qui avait lieu au Vélodrome à Roubaix. Lequel il y avait alors il y avait à l'époque Soldat Louis, il y avait Art Mango, je me rappelle, il y avait Emmanuel, il y avait Pierre Bachelet, plein de groupes comme ça qui étaient en vogue à l'époque, et c'était organisé par RTL. Je crois même que ça s'appelait Parade RTL ou RTL Parade, quelque chose comme ça. Et souvent ils faisaient des concerts comme ça, et puis moi j'avais accès à l'extérieur, et d'un coup je vois un bonhomme qui arrive vers moi et qui me donne un autographe. je dis c'est qui celui-là, et je prends la photo, je vois, c'était Nagui en fait, et qui me donne l'autographe. Oui, à l'époque. Et puis j'ai pris l'autographe, je dis mais c'est qui ce mec, je dis c'est qui ce basané, mais vraiment je te jure que c'est vrai, c'est qui celui-là, et j'ai jeté l'autographe. Si je connaissais même pas. Ça, c'est con. Parce qu'il a commencé à RTL, il était il n'était pas connu du tout à l'époque. Qu'est-ce qu'il a fait connaître? C'était Ratata. Ouais, je pense. Non, c'était N'oubliez pas votre brosse à dents, je crois. Exactement, c'est ça. C'est N'oubliez pas, où il n'était pas forcément très bon, et après, il a eu sa chance avec Taratata, il allait la cartonner. C'est ça. Taratata, il était bon. Je pense qu'ils le font encore. Il me semble que c'est revenu. Ça revient de temps en temps. Je ne sais pas, il a gagné le programme, mais je ne sais pas si ce n'est pas été remis en route d'ailleurs. Par contre, comme toute personne super agréable, on se dit que derrière, ça doit être le roi des cons. Et j'ai quelqu'un que tu connais très bien qui s'appelle Serge, qui était ingénieur du son FR3 et qui l'a suivi pendant plus de 2 ans et qui était assis en face de lui avec des consignes pour l'émission. Il m'a dit, c'est un mec qui est très strict. Ça peut évidemment, une fois tous les 3 semaines, partir un petit peu de tac. Mais c'est un mec adorable. Très, très fin, parce que c'est un sacré animateur. Bien sûr. Il tient la route depuis le temps. Il dit, c'est vraiment un mec très, très bien. Il dit, il a une culture musicale, une culture des gens. Bien sûr. Non, il y a vraiment une bonne approche. Donc voilà, jeudi, c'est demain, après-demain. Tu nous tiendras au courant. Oui, bien sûr. La date de diffusion, on a hâte. Moi, je vous attends déjà le 14. S'il reste des places, renseignez-vous. C'est à la Rétro Fanfare au Crétinier où je chanterai pour vous. Et je vous inviterai bientôt à une soirée dans 1 mois et demi, encore spéciale à Lille. Mais encore nouvelle version, un truc qui va bien bouger. Ça marche. Allez, petite coupure musicale. Si besoin est de rappeler à la personne qui avait essayé d'appeler de reprise, d'appeler surtout pendant les coupures musicales. Ouais, parce que c'est plus simple pour nous. On ne peut pas prendre les appels en direct. Voilà, absolument. Voilà. Allez. J'ai jeté un œil au message. On a eu il y a une demi-heure un message de notre ami Sherlock. Oui. Qui effectivement va pas trop bien. Ah. 39 de fièvre, malaise, vomissement. Ah ouais. Sherlock, on s'en fout, on est une émission là. Ah ouais. Pardon. Ouais, non, il m'a dit qu'il était. Bah, oui, Sherlock, oui. Je pense que c'est la première fois, sauf la naissance de sa fille, encore, il est resté. Qui manque une émission. Ouais, je pense. Ouais, je pense. Ouais. Moi, je pense que j'en ai jamais manqué. Parce que. Ouais, moi, oui, je pense que j'en ai jamais manqué, mais c'est cela. C'est, ouais. Truc, hein. C'est cela. Bon, allez, un petit. Alors, Sherlock, vu de quoi tu souffres, je connais ton remède, je te laisse avec ça et je pense que ça va te faire du bien. Aïe. Non. Boys. Ah, manque pas d'air. Je sais que Sabrina, ça lui plaît. Elle avait quelque chose dans le regard. Here we go again. oui, évidemment, je vous rappelle que vous êtes toujours dans l'émission 80 à l'heure sur RQC 95 FM, comme tous les mardis soirs, évidemment, donc yes, de 20h à 22h30. Il nous reste 5 minutes. Alors, c'était une émission assez, assez calme, quand même, ce soir. Il faut avouer qu'on était en comité restreint. Alors, c'est il y a gentil. Une... Ben c'est vrai. Non, tu dis calme au lieu de bordélique, mais moi, je considère ma gestion comme bordélique. Ouais, non, mais j'aime bon. Bien. C'est vrai que ce soir, c'était assez... Ouais. Bah voilà, on a été victime d'une épidémie. Notre ami Sherlock, notre ami Onissa sont souffrants, donc c'est vrai que c'est un d'ailleurs, peu compliqué. D'ailleurs, il faudra qu'on se renseigne quand même Onissa Sherlock. Oui, c'est ça, ouais. Parce que c'est bizarre d'être malade en même temps. C'est clair. C'est quand même bizarre. C'est quand même bizarre. Absolument. Il y aura Anguille Souroche. Ouais, bah, enfin, je sais pas. Bah, Anguille avec Sherlock, Anguille, vers de terre. Bon, allez, arrêtez les gars. Oh, non. Bon, alors en tout cas, on rappelle quand même qu'il y a pas mal d'actualités. Je vous rappelle que jeudi soir, donc à partir de 19h, donc au lâcher prise, oui, notre ami DJ Stéphache se fera un plaisir de vous accueillir. Donc ça s'appelle le lâcher prise et c'est rue de Saint-André, donc à Lille. Donc un petit bar lounge. Donc il aura le plaisir donc de jouer pour vous à partir de 19h jusque minuit. Donc c'est un apéro mix. Vous aurez la possibilité évidemment de boire un verre, mais aussi de vous restaurer. Il paraît qu'il y a des huîtres, il paraît qu'il y a du foie gras, il y a plein de bonnes choses à manger, à des prix tout à fait raisonnables. Un nouvel an après l'heure. Oui, mais c'est ça, c'est je bien. Pense que c'est ça, non, donc c'est un apéro mix. Résolution. Voilà, donc ça c'est le 12. Le 14, je vous rappelle aussi, si vous avez envie de retrouver Rétro Fanfare ou notre ami Canon, qui se fait appeler Dom dans la vie artistique, Dom le chanteur, bah, vous aurez la possibilité donc de retrouver... Dom le chanteur. Bah, il est marqué Dom le chanteur, sur ouais, ça, j'étais rien, mort de rire quand j'ai vu ça. Bah, oh, ouais. Ouf. Bon, ah bah écoute... Ils ont pas mis toutes mes attributions. Donc voilà, donc ok, donc voilà, donc c'est Dom le chanteur qui va venir pousser la chansonnette dans le cadre donc du nouvel an de la rétro fanfare. Donc c'est ce samedi-ci à partir donc de 19h et donc à partir de 19h ça se passe donc à l'amicale du crétinier. Si vous voulez plus d'informations, eh bien vous allez directement sur la page Facebook de la Rétro Fanfare. Pour toute réservation, n'hésitez pas à vous envoyer un petit message. Oui, allez-y vite parce que oui, parce que là d'ici samedi, à mon avis, c'est blindé. Il reste peut-être une dizaine de places. À 6, ça va être chaud patate, mais ça va être super bien. Par contre, je pense que si vous débarquez comme ça, à boire un verre, ça sera possible. Encore, faudra voir. Je suis pas certain. Je suis pas certain parce qu'il y a des limites. Les entrées sont limitées, mais bon, après, renseignez-vous. Hein, vous allez directement sur la page de Rétro Fanfare. S'il vous plaît, de grâce, évitez d'appeler pendant l'émission. Ben oui, on l'a demandé juste avant. Et... Voilà. Bah, de toute façon, là, c'est clair, on va se quitter là-dessus. On va se quitter sur une dédicace, dis donc. Oui, absolument, parce qu'on a eu un appel, en fait, de. Bah, je crois que c'est un groupe de scouts qui sont en train de faire la fête. Ah, les bénins. Et qui sont en train de fêter, en fait, l'anniversaire de Julien. Donc, qui est chef en fait à la 5e division des scouts, absolument, du risque en tout, absolument, j'ai tout retenu, merci de m'aider, et donc voilà, et donc bah oui, voilà, moi je vous souhaite une bonne soirée à tous et à toutes, désolé parce mais c'est quoi la dédicace en fait, tu dis Julien, c'est Walk With You, je pense. Alors, de Michael Jackson, qui est un peu funk, hein, quand même, assez sympa. La dédicace c'est Julien, bravo. Et ça sera à Michael Jackson parce que bah, on nous a demandé autre chose, mais malheureusement un petit funk, ils voulaient un petit funk, c'est disco, ce qu'on disait, mais bon, alors on s'excuse aujourd'hui, l'émission n'est pas décousue, mais vous savez comment ça se passe, c'est comme si vous essayez d'appeler avec votre téléphone et qu'il était déchargé. Bah, nous la tablette c'est un peu compliqué aujourd'hui, on n'a pas accès à tous les titres, on sait pas vous lancer des jingles comme Sherlock fait très très bien et beaucoup mieux que moi-même. Donc moi je vous souhaite une bonne soirée, on se retrouve tous en forme la semaine prochaine avec l'équipe complète, espérons-le, et puis on va vous remettre un petit peu de feu et de flamme à tout ça. Voilà. Bisous à vous, chers amis auditeurs, auditrices. Ouais, je parle pas de toi. Bisous. Non, mais attends. Bisous, tu me regardes. Pour les bruits de langue, je vais couper les micros. Bah non, tu dis bisous en me regardant. Ouais, parce que j'aime bien. En fait, Béco, il n'y a pas de problème. J'ai remarqué par contre quelque chose. Ouais. Est-ce que tu nous as entendu parler cul aujourd'hui? Non, absolument non. Pas. Ouais. Parce que Sherlock n'est pas là. Ouais. Moi, je n'arrête pas de dire ce mec-là. Dès qu'il est là, ça part toujours dans des trucs. Tu sais, tu nous arrêtes tout le temps, mais c'est Sherlock qui lance. C'est vrai. Parce que je suis désolé, on n'a pas parlé de sexe, on n'a pas parlé de cul. On n'a pas dit de gros mots. C'est on a parlé de femme, couille. Ouais, un peu. Oui. Mais t'as parlé de ça, par contre. Je parle toujours de ça, parce que Dieu, voilà. C'est cela. On m'a dit qu'un jour, le démon Satan l'habite. C'est ça, ouais. Bon, allez, on va arrêter là-dessus. Sur ces beaux mots, sur ces bons mots. On termine là-dessus et sur on Julien. Se retrouve la semaine prochaine et donc bon anniversaire donc à Julien de la part de Bina. Voilà, au passage, donc bon anniversaire et on se quitte donc avec Rock With You de Michael Jackson. Michael. Allez, ciao bye. Ouais, ciao bye. Ciao.